Chapitre 35 Navarrois. La soirée du jour suivant était avancée, quand nous atteignîmes le pied de la Sierra, à l'embouchure du canyon. Nous ne pouvions pas suivre le bord de l'eau plus loin, car il n'y avait dans le chenal ni sentier ni endroit guéable. Il fallait nécessairement franchir l'escarpement qui formait la joue méridionale de l'ouverture. Un chemin frayé à travers des pins chétifs s'offrait à nous, et sur les pas de notre guide, nous commençâmes l'ascension de la montagne. Après avoir gravi pendant une heure environ, en suivant une route effrayante au bord de l'abîme. Nous parvînmes à la crête. Nos yeux se portèrent vers l'est. Nous avions atteint le but de notre voyage. La ville des Navarros était devant nous. « Voilà Mira el Pueblo, Vazetone !»« Hurra !» s'écrièrent les chasseurs, chacun dans sa langue. « Oh Dieu, enfin la voilà !» murmura Séguin, dont les traits exprimaient une émotion profonde. « Soyez bénis, mon Dieu ! Halte, camarade, halte !» Nous retâmes les rênes et, immobiles sur nos chevaux fatigués, nous demeurâmes les yeux tournés vers la plaine. Un magnifique panorama, magnifique sous tous les rapports, s'étalait devant nous. L'intérêt avec lequel nous le considérions était encore redoublé par les circonstances particulières qui nous avaient amenés à en jouir. Placés à l'extrémité occidentale d'une vallée oblongue, nous la voyons se dérouler dans toute sa longueur. C'est non pas une vallée proprement dite, bien qu'elle fût ainsi appelée par les Américains espagnols, mais plutôt une plaine entourée de tous côtés par des montagnes. Sa forme est elliptique. Le grand axe, ou diamètre des foyers de cette ellipse, peut avoir 10 ou 12 000 de longueur. Le petit axe en a 5 ou 6. La surface entière présente un champ de verdure dont le plan n'est coupé ni de buissons, ni de haies, ni de collines. C'est comme un lac tranquille transformé en émeraude. Une ligne d'argent la traverse dans toute son étendue, en courbe gracieuse, et marque le cours d'une rivière cristalline. Mais les montagnes, quelles sauvages montagnes! Surtout celles qui bordent la vallée au nord. Ce sont des masses de granit amoncelées. Quelles convulsions de la nature doivent avoir présidé à leur naissance! Leur aspect présente l'idée d'une planète en proie aux douleurs de l'enfantement. Des rochers énormes sont suspendus, à peine en équilibre, au-dessus de précipices affreux. Il semble que le choc d'une plume suffirait pour occasionner la chute de ces masses gigantesques. D'effrayants abîmes montrent dans leur profondeur de sombres défilés, qu'aucun bruit ne trouble. Ça et là, des arbres noueux, des pins et des cèdres croissent horizontalement et pendent le long des rochers. Les branches hideuses des cactus, le feuillage maladif des buissons de créosote se montrent dans les fissures et ajoutent un trait de plus au caractère âpre et morne du paysage. Telle est la barrière septentrionale de la vallée. La Sierra du Midi présente un contraste géologique complet. Pas une roche de granit ne se montre de ce côté. On y voit aussi des rochers amoncelés, mais blancs comme la neige. Ce sont des montagnes de quartz laiteux. Elles sont dominées par des pics de formes diverses, nus et brillants. D'énormes masses pendent sur les profonds abîmes. Les ravins comme les hauteurs sont dépourvus d'arbres. La végétation qui s'y montre a tous les caractères de la désolation. Les deux sierras convergent vers l'extrémité orientale de la vallée. Du sommet que nous occupons et qui se trouve à l'ouest, nous découvrons tout le tableau. À l'autre bout de la vallée, nous apercevons une place noire au pied de la montagne. Nous reconnaissons une forêt de pins, mais elle est trop éloignée pour que nous puissions distinguer les arbres. La rivière semble sortir de cette forêt, et sur ses bords, près de la lisière du bois, nous apercevons un ensemble de constructions pyramidales étranges. Ce sont des maisons. C'est la ville de Navarrois. Nos yeux s'arrêtent sur cette ville avec une vive curiosité. Nous distinguons le profil des maisons, bien qu'elles soient à près de 10 000 de distance. C'est une étrange architecture. Quelques-unes sont séparées des autres et ont des toits en terrasse, au-dessus desquelles nous voyons flotter des bannières. L'une, grande entre toutes, présente l'apparence d'un temple. Elle est dans la plaine ouverte, hors de la ville, et au moyen de la lunette, nous apercevons de nombreuses formes qui se meuvent sur son sommet. Ces formes, ce sont des êtres humains. Il y en a aussi sur les toits et les parapets des maisons plus petites. Nous en voyons beaucoup d'autres, sur la plaine, entre la ville et nous, chassant devant eux des troupes de bestiaux, de mules et de mustangs. Quelques-uns sont sur les bords de la rivière, et nous en apercevons qui plongent dans l'eau. Plusieurs groupes de chevaux, dont les flancs arrondis, accusent le bon état d'entretien, pâturent tranquillement dans la prairie. Des troupes de cygnes sauvages, d'oies et de grues bleues, suivent en nageant et en voltigeant le courant sinueux de la rivière. Le soleil baisse, les montagnes réfléchissent des teintes d'ambre, et les cristaux quartzeux resplendissent sur les pics de la Sierra méridionale. La scène est imposante par sa beauté et le silence qui l'environne. Combien de temps s'écoulera-t-il, pensais-je, avant que ce tableau si calme soit rempli de meurtres et de pillages? Nous demeurons quelque temps absorbés dans la contemplation de la vallée sans proférer un seul mot. C'est le silence qui précède les résolutions terribles. L'esprit de mes compagnons est agité de pensées et d'émotions diverses, diverses par leur nature et par leur degré de vivacité, et différents autant les unes des autres que le ciel diffère de l'enfer. Quelques-unes de ces émotions sont saintes. Des hommes ont le regard tendu sur la plaine, croyant ou s'imaginant distinguer à cette distance les traits d'un être aimé, d'une épouse, d'une sœur, d'une fille, ou peut-être d'une personne plus tendrement chérie encore. Non, cela ne pouvait être. Nul n'était plus profondément affecté que le père cherchant son enfant. De tous les sentiments mis en jeu là, l'amour paternel était le plus fort. Hélas, il y avait des émotions d'une autre nature dans le cœur de ceux qui m'entouraient, des passions terribles et impitoyables. Des regards féroces étaient lancés sur la ville. Les uns respiraient la vengeance, les autres l'amour du pillage. D'autres encore, vrais regards de démons, la soif du meurtre. On en avait causé à voix basse tout le long de la route, et les hommes déçus de leur espérance au sujet de l'or s'entretenaient du prix des chevelures. Sur l'ordre de Séguin, les chasseurs se retirèrent sous les arbres et tinrent précipitamment conseil. Comment devait-on s'y prendre pour s'emparer de la ville? Nous ne pouvions pas approcher en plein jour. Les habitants nous auraient vus longtemps avant que nous eussions franchi la distance, et ils fuiraient vers la forêt. Nous perdrions ainsi tout le fruit de notre expédition. Pouvions-nous envoyer un détachement à l'extrémité orientale de la vallée pour empêcher la fuite? Non pas à travers la plaine du moins, car les montagnes arrivaient jusqu'à son niveau, sans hauteur intermédiaire et sans défilé près de leurs flancs. À quelques endroits, le rocher s'élevait verticalement à une hauteur de 1000 pieds environ. Cette idée fut abandonnée. Pouvions-nous tourner la Sierra du Sud et arriver par la forêt elle-même? De cette manière, nous marchions à couvert jusqu'auprès des maisons. Le guide interrogé répondit que cela était possible, mais il fallait faire un détour d'environ 50 000. Nous n'avions pas le temps et nous y renonçâmes. Le seul plan praticable était donc de nous approcher de la ville pendant la nuit, ou du moins c'était celui qui présentait le plus de chances de succès. On s'y arrêta. Séguin ne voulait pas faire une attaque de nuit, mais seulement entourer les maisons en restant à une certaine distance, et se tenir en embuscade jusqu'au matin. La retraite serait ainsi coupée, et nous serions sûrs de retrouver nos prisonniers à la lumière du jour. Les hommes s'étendirent sur le sol, et, le bras passé dans la bride de leurs chevaux, attendirent le coucher du soleil.